On fait des plans sur la comète. On perd des lobes, on se relève quand même. Faut qu'on les mette d'accord. Faut qu'on les mette d'accord. Toi et moi, on fait du bénéfice. Bénéfice, bénéfice. Si t'es mon frère, on fait du bénéfice. Bénéfice, bénéfice. Maman se fait des maux de tête, car on s'arrête pas. J'ai plus de rancune contre ceux qui m'aident pas. Fais l'amour sans je t'aime, au moins tu t'embêtes pas. Et tu t'endettes pas, non tu t'endettes pas. On va prendre des roupettes, mon repas t'inquiète pas. Je suis en train de monter, normal ils nous aiment pas. Rappelle-toi à l'époque, ils nous calculaient pas. Ils passaient devant nous, on se connaît même pas. On m'a pas tendu la main assez, c'est passé. Quelque chose s'est cassé, c'est cassé. Les souvenirs sont pas effacés, y passer. Enclassé, regard glacé, j'ai navigué dans le coin. Mes anciens sont partis, les petits sont partis loin. Et notre amitié est vraie, leurs amitiés sont factices. Frérot, tu fais partie de moi. On fait des plans sur la comète. On perd des lampes, on se relève quand même. Faut qu'on les mette d'accord. Faut qu'on les mette d'accord. Toi et moi, on fait du bénéfice. Bénéfice, bénéfice. Faut qu'on les mette d'accord. Si t'es mon frère, on fait du bénéfice. Bénéfice, bénéfice. Faut qu'on les mette d'accord. On fait des plans sur la comète. On perd des lampes, on se relève quand même. Faut qu'on les mette d'accord. Faut qu'on les mette d'accord. Toi et moi, on fait du bénéfice. Bénéfice, bénéfice. Faut qu'on les mette d'accord. Si t'es mon frère, on fait du bénéfice. Bénéfice, bénéfice. Là-bas que va toquer, parce que tu multiplies le bénéfice. Faut un palais pour les gosses, fréquente pas les tasses. T'as envie de t'amuser mais tu connais pas les doses. La finalité c'est pas une Bugatti. Regarde mon poignet, j'ai pas de Bugatti. En manque de père, j'étais fané. En plus les autres cosmovanés. Ces gens-là je les connais bien. Chez moi ils ne mettent pas les yep. Chez nous on respecte pas les yens. On fait du wally, on s'en bat les yens. J'ai fait ce que j'ai pu mais je veux pas te retenir si tu veux reste pas. J'écoute mon cœur, je suis trop haut pour écouter. On fait des plans sur la comète. On perd des lampes, on se relève quand même. Faut qu'on les mette d'accord. Faut qu'on les mette d'accord. Toi et moi on fait du bénéfice. Bénéfice, bénéfice. Faut qu'on les mette d'accord. Si t'es mon frère, on fait du bénéfice. Bénéfice, bénéfice. Faut qu'on les mette d'accord. On fait des plans sur la comète. On perd des lampes, on se relève quand même. Faut qu'on les mette d'accord. Faut qu'on les mette d'accord. On fait du bénéfice, bénéfice, bénéfice. Faut qu'on les mette d'accord. Si t'es mon frère, on fait du bénéfice, bénéfice, bénéfice. Faut qu'on les mette d'accord. Ailleurs, ailleurs, je vois que je vais changer de voix. Ailleurs, ailleurs, laisse-les parler, mon frère, faut qu'on les mette pas. Ailleurs.